Le savetier. Un savetier nommé Huguet, allant quelques jours au village de Landelise pour y ressemeler et rapetasser ses vieux souliers des simples gens, entrait dans le bois par le chemin de la hutte, quand tout à coup il aperçut un grand diable de lièvre roux, au museau troublant, qui venait droit à lui sans le voir, et tout à coup s'arrêta net. Or le savetier n'avait sur lui ni pierre ni bâton. Cherchant quelque chose à jeter à la bête, il met sa main dans son sac, en tire un bon morceau de pois noir qui lui servait à frotter le chanvre de son lignol, le lance et atteint juste entre les deux yeux mon lièvre, qui fait demi-tour sur lui-même et s'enfuit d'où il venait, portant la boule collée à son front aussi vite qu'avec une meute à ses trousses. Un autre lièvre le suivait. Il va donner la tête dessus et la heurte si violemment que les voilà à deux pris à la poix et attachés poils à poils. Et de tirer, mais en vain l'un sur l'autre. Le savetier, les voyant dans cette opposition, court à eux légèrement. Sans rire, les saisit, les étourdit d'un coup de poing, les met dans son bissac avec ses formes, son cuir, ses haleines et ses pinces, tourne bride et s'en va faire bombance à sa maison. Un pauvre diable malheureux, à voir son semblable, est désireux.